qu'à long terme. Faut que ta gueule bouge à long terme. Au rap j'ai une guerre pour la haute classe. Mieux que je des clamots, carré avec amour. Ça déchire fort, c'est vrai. Le la variète arrière au faux. Mais qu'à long terme, faut que ta gueule bouge à long terme. Au rap j'ai une guerre pour la haute classe. Mieux que je des clamots, carré avec amour. Ça déchire fort, c'est vrai. Flambeur dans le genre, à l'heure dans l'art. Nari, même shit te guette, même shit te guette. Amoureux de mon art, crée une rage, personne peut braquer, narguer, merde, faut être fou. Flap fou, flambeur dans l'art, flou dans l'âme, pas de varèse, juste dans le sang. Pour que moi et mes chiens guerre bouge notre tête dans nos soirées nice. Qui veut trois du monde, être la proie d'un homme. Cherche un compagnon flambeur, tous les chemins mènent dans le bordel minot. Puis faire un tour dans mon casino, cartero, M-shit. Fais rêver ces Miss Monde en cavale depuis une balle aux embrouilles à la carte patana. Lève tes pattes là, boulet de plaque. Laisse-moi le temps d'enflammer, bandana et dans la nana là. Scandinave, votre chienne, sans oublier les autres chiennes ce soir, c'est. À long terme, faut que ta gueule bouge à long terme. Au rap j'ai une guerre pour la haute classe. Mieux que j'pais des clamots, carré avec amour. Ça déchire fort, c'est vrai. Le la variète arrière au faux. Mais qu'à long terme, faut que ta gueule bouge à long terme. Au rap j'ai une guerre pour la haute classe. Mieux que j'pais des clamots, carré avec amour. Ça déchire fort, c'est vrai. Aujourd'hui ça va, papa, j'suis dans de bonnes circonstances. Marche, mes poches, mes proches, les constances. Bonne occasion pour qu'on se lance. Une belle journée, ça n'en se passe. Les ennuis à distance, on s'en dispense. J'mets mon avirex, ma veste, kench, ma caisse. Force c'est LK, bon c'est LK, les clés de la caisse. Stone le couche, tard, monte au shoot, star. Un troisième leçon à fond, le long du boule. Ralph Lauren uniforme, Prada Gucci minimum. Avec l'allure que possédait un bon artiste musical. Vu que les jaloux s'attardent, je sens venir de Unicorn. Les poches pleines, la tête solide, qui peut me tester. Le sort peut se renverser, donc je marche sur le rouge tapis. Profite de ce bonheur avant que la chance dégarpille. Genre VIP, accompagné de Narim. Aïe oui, demain un autre jour et mon cœur palpite. Nique à long terme, faut que ta gueule bouge à long terme. Au rap j'ai une guerre pour la haute classe. Mieux que j'pais des clamots, carré avec amour. Ça déchire fort, c'est vrai. Le la variète arrière au faux. Nique à long terme, faut que ta gueule bouge à long terme. Au rap j'ai une guerre pour la haute classe. Mieux que j'pais des clamots, carré avec amour. Ça déchire fort, c'est vrai. Loin de vivre comme un roi, j'ai vu personne. J'ai ambigu de partout, j'envoie du rap de haute classe. Pour tous les potes, les gars, lève ton verre. Pète ton pète, mets-toi bien. Marque du bitume, on veut tous le butin. Et finir vieux et bien, sans trahir notre cause. Faut que tu bouges à long terme, lève-toi. Danse, bouge, défoule-toi. C'est les gars du shoot star, jamais une suisse. Envoie la sauce, aucun nous roule un safran. Moi Lexus, tant que les frères dansent et que les filles se frottent sous notre sang, c'est le cœur. J'rappe avec amour. En restant sincère, que tu sois dans une boîte, dans une caisse ou chez toi. Lève le poing en l'air et serre-le, comme les millions de jeunes dans les bas des blocs. Lève ton poing et serre-le, comme les millions de jeunes serrés dans les halls. Nique à long terme, faut que ta gueule bouge à long terme. Au rap j'ai une guerre pour la haute classe. Mieux que j'pais des clamots, carré avec amour. Ça déchire fort, c'est vrai. Le la variète arrière au faux. Nique à long terme, faut que ta gueule bouge à long terme. Au rap j'ai une guerre pour la haute classe. Mieux que j'pais des clamots, carré avec amour. Ça déchire fort, c'est vrai.